Les noms de mes détresses, pour qui mon cœur est un voyage, qui vit au champ d'un coquillage. Elle, pour qui bonjour n'est pas tristesse, qui me danse des horizons. Elle est de toutes mes saisons. Je l'ai choisie parce que c'est elle, parce que c'est elle. Je l'ai choisie parce que c'est elle, parce que c'est elle. Et la clé des heures de fête, le fruit et l'ombre des déserts, et le vin doux de mes hivers. Elle est sa façon de dire je t'aime, qui rit devant un nouveau jour et pleure en se brûlant d'amour. Je l'ai choisi parce que c'est elle, parce que c'est elle. Je l'ai choisi parce que c'est elle, parce que c'est elle. De son corps fait une vague, un cri profond comme une plage, sur qui se noient tous mes orages. Elle, pour qui partir n'est qu'escapade, d'un tambourin, d'une guitare, fera mon train du dernier soir. Je l'ai choisi parce que c'est elle, parce que c'est elle. Je l'ai choisi parce que c'est elle, parce que c'est elle.